Le sable murmure un nom depuis les dunes. Raide, est-ce qu'elle revient avec le souffle des anciens? Est-ce qu'elle ne suit pas, il trace. Je croise les carcasses, les silences. Je bâtis avec patience. Récolte, transforme les ruines en repères immortels. Le désert me parle, pas avec des mots, avec des mirages, des pièges et des vérités brutes. Qu'elle ne vient pas pour fuir, mais pour montrer le chemin. Quand les serveurs se vident, et les murs s'inclinent. La ride skill tient bon pour vous. Même seul dans le sable, je suis porté par une armée invisible. Stream, c'est pas un écran, c'est un lien. Suivez dans chaque tempête et moi je vous montre que tout est possible. Riders qu'il ne chute pas, il avance avec vous dans chaque pixel. Quand la poussière tombera, ce ne sera pas mon nom qu'on oubliera, ce sera Riders qu'il gravé dans les dunes.